Et maintenant, on retrouve tout de suite Jérémy. Bonjour Jérémy. Attila Faravelli, Jérémy Chevalier ou les deux? Hein? Quoi? Eh bien non, aujourd'hui c'est Jérémy Chevalier. Bonjour. Bonjour. Bon, alors aujourd'hui j'arrive un peu comme ça. Ça va? Ouais, ça va bien. Nous aussi on arrive un peu comme ça. Ah ok, super. Bon bah alors ça se passe comme ça. Moi je vous ai ramené un truc, peut-être que Antoine, je sais que tu l'as vu, je vous ai ramené quand même mon... Alors on voit pas à la radio. Ça, c'est un couple ORTF, mais dans de la terre, quoi. Je me suis dit, voilà. Alors j'ai dormi 2 heures cette nuit, je suis en pleine forme. Pardon. Chercher mon eau, faut que je boive. Alors, oups. Ah, merci. Ok, bon, alors je me concentre un peu. Donc, cette année, je fais des workshops dans la salle du haut, la chambre des lattes. Et puis, j'ai commencé une petite série à fabriquer des micros en terre, soit en terre cuite, ou en terre, juste en terre, parce que j'aimais bien ce rapport un peu préhistorique à l'objet du microphone. Donc en fait, j'ai juste acheté des capsules, qui sont juste des transduceurs qui transforment les vibrations de l'air en signal électrique. Et à côté de ça, je modélise donc des formes, des formes différentes, etc., qui viennent modifier le son du microphone. Et j'ai commencé à faire une sorte de série. Et ça, c'est le premier. Enfin, c'est pas le premier que j'ai fait, mais c'est. Je trouve qu'il est emblématique parce que c'est la terre qui est pas encore travaillée. Je trouvais que c'était une sorte de métaphore du son à modeler, quoi, encore à faire. Un peu comme cette idée des preneurs de son qui aiment bien moduler leur son. Pardon, ouais, je parle pas bien dans le micro. Voilà. Donc voilà, alors j'ai fait un petit peu des enregistrements, c'était avant-hier avec, je suis un peu baladé dans le festival avec, je peux vous faire écouter. Si vous avez des questions. Bah, on est surtout très curieux d'écouter les sons, mais est-ce que c'est des sons que tu as fait seul ou c'était déjà dans la pratique du workshop? Non, c'est des sons que j'ai fait seul. J'ai commencé le workshop, ça commence aujourd'hui à 14h. Et ça, c'est les sons que j'ai fait un peu. J'ai pris ce truc, je me suis baladé. Donc il y a un enregistrement, sauf erreur, c'est sur le trottoir. C'est devant une rue assez agitée. Je vais juste le retrouver. Ça doit être. Et donc là, par exemple, cet après-midi à 14h, les participantes pourront utiliser ce micro. C'est à peu près ça. Ouais, alors j'ai plusieurs microphones. Et je propose des sortes de balades sonores avec ça. Il y a plusieurs choses, en fait, dans ce workshop. Il y a ça. Donc j'en ai plein. Il y en a qui ont des formes différentes. Des sortes de paraboles qui viennent capter mieux les sons, qui sont plus ou moins directives. Je me suis un peu amusé comme ça à faire des formes différentes, des espèces de renvois coudés. Il y en a qui est une sorte de renvoi coudé. Puis l'idée, c'était de, par annulation de phase, enfin, créer un déphasage pour créer un filtre en peine, par exemple. Alors, un filtre en peine, ça modifie la fréquence à partir d'un délai très, très court. Ce genre de choses, de la mécanique sonore. Voilà. Et puis il y aura aussi d'autres choses. Moi je voulais proposer, ça c'est un truc que je pense que c'est peut-être déjà été fait, mais je trouve intéressant de le faire. C'est une balade sous distorsion. Alors ça c'est pas dans le programme, c'est pour ça que j'en parle, je le rajoute. C'est-à-dire que j'ai bricolé un casque. Et sur ce casque, en fait il y a un casque audio. Sur ce casque il y a des petits micros. Et du coup on entend dans le casque ce que captent les micros qui sont... Donc normalement, quand on met le casque, on entend la même chose. Sauf que je rajoute de la distorsion assez fort. Et ça crée vraiment... Ça modifie complètement l'espace sonore et tout devient... Le moindre son devient énorme. Si on se balade dans la rue, d'un seul coup, les voitures passent, ça fait un drone monstrueux. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Donc je voulais proposer ça. Bah, Je crois qu'on arrive déjà à la fin de la chronique. Sérieux? C'est génial. Donc, mais là, juste pour dire, enfin, on va terminer en écoutant l'enregistrement que tu as fait avec ce bloc de terre, hein, avec ce couple RTF dans ce bloc de terre. Mais voilà, pour préciser, donc, Jérémy Chevalier et Attila Faravelli vont venir en alternance tous les jours durant le festival. Donc, ça sera, l'heure va changer à partir de demain, mais ça sera de 11h45 à 11h55 pour nous faire une chronique autour de leurs expériences durant le workshop. Voilà, et puis bah, on est prêt à écouter. Alors, j'envoie, mais tu reçois rien? C'est ça, je ne reçois rien. Ah ouais? Ou bien peu de choses. Alors je monte. Mais alors, c'est très bizarre. Sinon, tu peux bruiter avec la bouche les sons que tu exactement, as enregistrés. Exactement, ce qui est une autre partie du workshop. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'en parlerai peut-être un autre jour. Mais ça faisait, il y avait beaucoup de basses. Il y a quelque chose. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy. De rien. Merci de me supporter. Et puis, on se réjouit de te retrouver lundi. Avec plaisir, moi aussi.